Lucci, doing our thing. Sex and ecstasy, come on. La danse est intense dans cette ambiance. Si je me pointe, prendre le climat par surprise. Première prise, sourire dans ma face qui freeze. Sous la chaleur excessive, donc les femmes bougent. Ça me cicatrise, les yeux, c'est trop merveilleux. Throw your hands up, jusqu'aux cieux, bounce with me. Throw your hands up, jusqu'aux cieux, bounce with us. C'est comme ça que ça se passe. On essaie de rester close, pour une fois sinon ça casse. Le fun des minums, puis nos chums. C'est sûr qu'il y en a qui font toujours le con ou la conne. Mais là, pour l'instant, l'atmosphère est bonne. Les corps sont condensés, ceux-ci sont contents. Pas danser, la sueur coule entre les seins, c'est malsain de regarder. Je sais que c'est insensé, mais qu'est-ce que tu veux, je te dis. Je suis tenté par se concentrer, mon tequila sunrise est aussi good que l'élève de la femme qui m'embrasse. Des baisers, j'en veux en masse. Cette lady, je suis pas la gasse. Ça fait chier quelques-uns qui me traitent de jackass. Je m'en crisse, au moins je me suis pas ramassé avec un falas. Attendez ben, on va embarquer le refrain. Question de ne jamais se reposer les reins. Ouais. Question de ne jamais se reposer les reins. Lucci, ML. 1 pour la base, 2 on écrase les grosses. Ceux qu'on ramasse, juste les beaux petits corps avec la classe. So bound to me, baby, lights out, but bound to me. Let's get high on sex and ecstasy. 1 pour la base, 2 on écrase les grosses. Ceux qu'on ramasse, juste les beaux petits corps avec la classe. So bound to me, baby, lights out, but bound to me. Let's get high on sex and ecstasy. Baby, let me make you feel good, always. Do you shine, shake your fake little glue to my eyes? You want me getting on sex and ecstasy. Seeing so clear, sipping wine, skinny dipping skin so soft. Making me who I am, you thought you'd be played. Bring every night, but not another phrase. But trust me, baby, we got progress. Planning all the right ways, and damn, I'll make you princess. I'll make you feel so hot, you'll be cold in your hot tub. I'll fly you up to paradise, one way trip. Never coming back alive, pop a pill, let's get laid. Papa said, fuck a lady. One on one, you got foul, it goes in. And 1, 2, 3, till 6 in the morning. While you're still here, never go to morning cry. Girl, you're mine to the laws of physics. Keep you by my side, come on. 1 pour la base, 2 on écrase les grosses. Ceux qu'on ramasse, c'est juste les beaux petits corps avec la classe. So bound to me, baby, lights out, but bound to me. Let's get high on sex and ecstasy. 1 pour la base, 2 on écrase les grosses. Ceux qu'on ramasse, c'est juste les beaux petits corps avec la classe. So bound to me, baby, lights out, but bound to me. Let's get high on sex and ecstasy. Assois dans le party, tout est permis. Buvez pas trop bien pour pas perdre vos permis. Parmi les têtes, faut que ça passe une fois plus jusqu'à l'arni. Soulevez de son divin, tant que folie. Réveillez le mordant. Weekend chez Bernie. Oh ouais, shake ta poitrine, montre-nous qu'est-ce que t'as. Tu laisses entrevoir en plus les fesses que t'as. C'est la fiesta, on continue après quand le sexe est là. So all you gonna call, collect a little quarter. So we can get in touch, get some contact, call it a night. Go out, have a nice time from night to night, from dusk till dawn. And then always get it on. But how are we ever gonna get along? Alone together all night long, fucking on my song. Easy, giving you my all, getting it on and on and on. Usually on sex and ecstasy, come on. 1 pour la base, 2 on écrase les grosses. Ceux qu'on ramasse, c'est juste les beaux petits corps avec la classe. So bound to me, baby, lights out, but bound to me. Let's get high on sex and ecstasy. 1 pour la base, 2 on écrase les grosses. Ceux qu'on ramasse, c'est juste les beaux petits corps avec la classe. So bound to me, baby, lights out, but bound to me. Let's get high on sex and ecstasy.